J'ai un ami que je vois pas souvent, mais que j'aime tout autant. C'est un drôle de gars qui vit dans une drôle de maison avec un drôle de chat. Quand je vais chez lui, ça dure toute la nuit, puis 31 tasses de café. On se raconte toutes nos amours, notre vie. Il rit de moi, puis moi je ris de lui. C'est pas tous les jours qu'on peut voir deux imbéciles heureux qui se comprennent comme nous deux. C'est quelqu'un de bien qui peut vous nommer toutes les bières du monde entier. C'est un philosophe de supermarché, un héros de bande dessinée. Il y a certains soirs, on arrange l'histoire. Le monde est trop petit pour nous. On fait des plans pour sauver le monde. On se regarde puis on rit comme des fous. C'est pas tous les jours qu'on peut voir deux imbéciles heureux qui se comprennent comme nous deux. C'est pas tous les jours qu'on peut voir deux imbéciles heureux qui se comprennent comme nous deux. Un jour je lui ai dit que j'étais en amour, il m'a fait un espèce de drôle de discours. Rappelle-toi Michel, la dernière fois t'as tellement braillé, on savait plus par quel bout te ramasser. Mais là je lui ai dit que ce temps-là c'était fini, avec elle c'est pour la vie. Il a remis du cognac dans ma tasse de café. Viens t'asseoir, on va jaser. Tout ce que j'ai pu dire, c'est que je te trouvais jolie quand le soleil caressait ton oreiller. J'ai vu son sourire, j'ai vu dans ses yeux que c'était pas lui le plus fou des deux. Le plus fou des deux.